zortzi herrialdeak zuzenean Euskal Irratietan. Euskal Diasporaren emankizuna. Hilabetero, lehen igande guziz, arratxeko zortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Erreplika astelenean arratxaldeko zazpiontan. Zortzi herrialdeak zuzenean. Euskal Irratia eta zortzi probintziak elkarteak antolaturik. Agur deneri entzuten duzue zortzi herrialdeak zuzenean Euskal Diasporaren emankizuna. Hola a todos, escucha zortzi herrialdeak zuzenean emisión parai con la diaspora vasca. Tu sorti Eraldiak Susenian, the Basque Diaspora's show. Bonjour tout le monde, vous écoutez Sorti Eraldiak Susenian, l'émission de la diaspora basque. Et on commence de suite avec notre pertulari Johnny Kurujet. Eskalon lorra agor bat egon, heldu zaizu urrunetik, barre hatunik mundu altuzun, semeta ala betari. Argentina urrugai Chile, Estado Batuetari. Marroko Afrika, Shanghai China, ta berdin Australiatik. Zuri bezen bat maite dugunik, guretzat ez da berzeri. Hala beraz, Johnny Kurujeten bertsoa sortzi herrialdeak zuzenan entzule guzientzat. Agur, Robert, ça va? Impecable. Untxa? Bizik untxa. Ah, impecable, errandu zu. Gaur, beh, Joana ez da gurekin izanen, Madrilen baita. Eta Madrid, ma, Joana. Bon, gara, bon. Hora iten dugu. Baina gaurko gomitak, beh, gaur haipatuko dugu beraz euskodiaspora.com proiektua, maialen zamponirekin. Haipatuko dugu ere bai, arbasuen hildotik proiektua, berbada horretoraziko ziste, jonden urtean etorri ziren diadanik haipatzeko proiektu hori. Eta haiekin ikusiko dugu, zertan diren aurten, gauz batzuk egin ditu zelako. Egunen gida ere bai telefono behatzi honetan inguru hor profesor Cesar Arrondorekin ere bai. Cesar Arrondo da La Platako Universitateko ikasle bat, erakasle bat, barkatu. Hala, beraz, deitu nahi baldin badiguzue, galdera bat baldin baduzue, be deitu, zero bos beratzi, irurogoi, ogoita mar irurogoi, edo igori mail bat, irratia abildua, zenbakia sortzi, provinciac.com el bidera. ¿Quieres llamarnos? ¿Tienes una pregunta? ¿Quieres enviar un mensaje a tu familia? Puedes llamar a este número, al 0033-55959-3060, o envías un correo electrónico a esta dirección irratia@numero8provinciac.com. Si vous souhaitez nous appeler, faire passer un message, vous pouvez nous appeler à ce numéro international, qui est le 0033-559-59-30-60, ou par courriel à irratia@numero8provinciac.com. If you want to get a hold of us, please do not hesitate to get in contact with us tonight with any questions or messages. You can call us directly at International 33-559-59-3060 or by email at iratia@8provinciac.com. Segitzen dugu reintzen bertan, gaur errezbitu dugun kantu batekin, San Franciscotik igorria, itziaren semea, xorgin dantza. Larrutan lizunta zeken eta peala pikoan zora menera. Go la retano you out to out. Oiaren zaporea kanta dantza edan Gora zarre hartuari Egan egin sorkinekin Zure aian harimai Musu eman haker betzi Hala, beraz... Itziaren semeak soin hori beraz batek iduritzen zat San Franciscon dela eta bon pasatu du kantu hori Filip aserritu garrai eta Filipek igurri nago kantu hori gaur beraz pasatu dugu garruntan. Segitzen dugu be gure lehen gomita Maialen Zamponi du izena. Arratxaldeon Maialen. Bai, arratxaldeon. Orduan eusko maratikia diaspora.com bon izena dena erran nahi du jadanik. Ordean, Eusko Diaspora, beraz, proiektu horrek du, beraz, lotura zuzena diasporarekin. Beraz, esplikatzen aldiguzu, pixka zer da, beraz, Eusko Diaspora proiektua? Be, biziki simple da, erran duzun bezala, Eusko Diaspora plataforma, enfin, webgunea, Euskal Herriko eta diasporako egitura sozioekonomik, ekonomikoak barkatu, edota norbanakoak urbilaraztea elburua duen ahreman sortze, topaketa eta trukaketa plataforma bat da. Mm-hmm. Eta baditu elburua initz, baina nor gaiten aldugu, hanfet elburu nagusia dela komunikazioa sortzea Euskal Herria, baina Euskal Herri osoa, mm-hmm. eta diasporaren artean, mm-hmm. Elkarlanak eginez, edo proiektuak sortuz, mm-hmm. baina nere plataforman baditugu hiru ardatz nagusi, bai. Ordan, orain esplikatzen ditut. Ah, bota, hartzen dut. Orduan, bat, hanfet, da gehiago norbanakoen artean ahemanen sortzeko da elgartasunezko ostataleku gune bat. Ideia da, jendeak, hanfet, anuntzioak ematea, eta hor, edo zure etxe aldatzen alduzu beste norbaitekin. Etxe aldaketak egin, edo bestela ematen alduzu anuntzio bat, erranez presidera norbait zure etxean egizibitzeko, edo beste norbaiten etxera joateko. Adibidez, zu Baionan bizizira, ematen duzu anuntzio bat erranez Baionan bizizirela, eta norbait etortzen aldela zure etxerat, da couchsurfing bezala, baina deitu behar du lehenago, fean jemanetan sartu lehenago, voilà. Edo bestela zuk bidaiatu nahi baduzu, ematen alduzu anuntzio bat, erranez dakit San Franciscora joanen zirela, eta hor, behar ba, norbait ahemanetan sartuko da zurekin. Baizaiten ala, norbaiten etxean lo egiteko, edo bakarrik kafe bat edateko. Elgartzeko. Elgartzeko, erria bisitatzeko, eta bala. Beraz, diasporatik gehien bat, hori da bai helburua, da diasporatik deitzen baldin bazaituzte, mezu bat, da Euskal Herritik norbaiteko kandezan posibilitatea, errezibitzea diasporatik norbait edo alderantziz. Bai, ideia da, hola, da munduko euskaldun guztiak haien artean ahemanetan sartzea. Adibidez, gure plataforman, Urruñako gazte batek eman zuen anuntzio bat zen eta Montrealen bizi zen, eta Argentinako beste norbait ahemanetan sartu zen berarekin, jakiteko, zer ikusi behar zuen Montrealen, eta holako gauzak. Beraz da, molde horretan erraiten dauzu, zenta zuk da badakizu da danik hori, mena, Euskal Herrian hemen denak badakigu, bon, Euskal Diaspora existitzen dela, mena, hainbeste direla, ez dira hortaz sobera konturatzen, orduan da, ulertaraztea pixkat, zein den diasporaren posibilitatea, ahremanak indartzeko Euskal Herria eta diasporarekin, eta erraiteko ere bai, argita garbi, nola diasporak laguntzen alduen Euskal Herria. Bai, lagundu dagiago ahremanetan sartu. Bai. Adibidez, Uruguaieko lagun batzu, ikusi nituen hemen, duela urte bat, baino gehiago, oraindik ezen plataforma. Carlos zen, eta erran zuen, beni Euskal Herria etortzen naiz, baina Baionan naizelarik, ez dakit soberan logekin Euskaraz hitz egin adibidez. Eta ideia da plataformaren bidez, sartzen alda plataforman, eta ikusi adibidez, norbaitek anuntzi bat ezagiduela Baionan, eta jende horrekin ahremanetan sartzen alda, kafe bat edateko Baionan edo hiria bisitatzeko eta hor euskaraz hitz egiten aldute eta jendeak ematen dute ze hizkuntz mintzatzen duten. Gero gu ideia da plataforma egin dugu eta gero jendeak ahemanetan sartzen dira, megu ez gira gehiago sartzen ahemanetan gero libre dira. Bigarren ardatza, beraz hor da gehiago ekonomia mailan? Bai, bigarren ardatza da deitu dugu enpresak sarean. Da gehiago berdin, fna webgune osoan dira anuntzioak, hor dira anuntzio bat, anuntzio batzu gehiago enpresentzat edo ikasleentzat edo ere, baina gero esplikatuko dut obekio, ere unibertsitateentzat, formakuntza zentroentzat, liceoentzat denak. Zenta hor lehen gauza da badatoki bat kitorik da, enpresek edo elgarteek edo ezartzen alituzte enplegu edo ikastaro eskaintza batzu. Eta hola, begu gero sarean pasatzen ditugu eta gazte batzuek lan askatzen badute edo ikastaro bat hor anuntzioak ikusten alituzte. Gero beste bada da proiektu, nazioarteko proiektu entzat, odean hor da gehiago enpresa bat zuentzat. Enpresa batek nahi badu ahemanetan sartu, ezakit estatu batuetako beste enpresa batekin edo sekatzen baditu bezero berriak edo la hor anuntzio bat ezartzen aldu ere bere proiektua esplikatzen aldu hor. Eta bada beste toki bat, da gehiago ikasleentzat, bari madute proiektu bat, sekatzen dute zakit elgarte bat, edo enpresa bat, edo beste norbait, haien proiektua garatzeko, hor anuntzioa ezartzen aldute, eta hor, ahemanetan txartu beste norbaitekin. Gu kanfet ezartzen ditu, anuntzioak ikusten ditugu, zenta ora, ikusten dugu pasatzen den guzia, eta erraiten dugu bai edo ez publikatzen alden. Gero pasatzen dugu gure sareetan, saiatzen gira haien laguntzea alba dugu, informazioa garatzea, eta gero zerbait pasatzen bada, bien artean ikusten dugu lehen ahemana, eta gero haiek egiten dute nahi dutena haien artean. Eta beraz hori hirugarren ardatza da, gehiago kultura mailan orduan? Ba, hirugarren ardatza da kultura mailan, dan gehiago da leku bat elgarteen zat, edo eskola, ikastola, kolegioen zat, bari madute berdin proiektu bat, hor esplikatzen aldute, janez, nor sekatzen duten beren proiektua garatzeko, ze egitan, nola, beste elgarte bat, edo beste eskola bat, voilà, bergauza, enpresak bezala, da aski dekiak dira anuntzioak sartzen dute nahi dutena. Ados. Ez du eta... balio, ez du balio izartzea, mezu bat erranez, nahi dut, norbaitekin argimentan txartu, nahi balimet, badut, bakarrik nire elkartea aurkeztu, diasporari, aldut? Bai, berdin, alduzu. Zenta berbara ez dakigu, baina berbara entiresetuko du norbait diasporan bai, eta... Bai, bai, me bon, gehienetan da ala ere proiektu bat barin badute, hola, gero nahi badute gehiago aurkeztu, hor, beda gurekin ahemanetan sartzea, eta guk artikulu bat egiten aldugu gurek blogean, zenta bada ere blog bat, eta hor egiten ditugu artikuluak. Eta hor, azken partean bada ere agenda bat, hanfen nun ezartzen alduten, zerbait antolatzen badute, hor... Ekitaldiak eta. Dena, eta gero guk garatzen dugu. Eta gero blogean, hor gehiago da zerbait aurkezteko edo. Eta dena, saiatzen gira lau hizkuntzetan egitea, euskara, espainola, inglesa eta frantsesa. Eta lau, zuturi dela importanteena... Ebe, hasiko itzulpen txiki bat eginen dugu, jadanik. Bai. Frantsesez, adenik. Frantsesez. Eusko diaspora.com, le site qui est basé sur Bayonne, d'Eusko Ikaskuntza Iparralde, on va dire ça comme ça. En fait, c'est un projet qui est porté par Eusko Ikaskuntza Iparralde. Voilà. Donc, on est à Bayonne, Kejori Ghiberi. Et le projet a commencé en décembre 2013, mais la plateforme Internet, elle existe depuis juillet. Donc, en fait, c'est une plateforme... de mise en relation, de partage et d'échange entre les structures socio-économiques de tout le territoire basque et de la diaspora. Nord-Sud, hein, ouais. Voilà. Donc, en fait, au sein du projet, on parle de communauté basque globale. Ça prend en compte tous les Basques du partout, mais ce n'est pas que fermé aux Basques. Il y a les amis c'est des Basques. C'est aussi les amis des Basques et tous les gens qui sont intéressés par ce type de projet. Donc le but en fait de la plateforme, c'est de créer des liens de communication, de coopération en fait entre des entreprises, des particuliers, des associations, des centres de formation ou des universités qui sont soit au Pays Basque ou dans la diaspora. Créer des liens entre les deux, des liens qui durables, enfin qui. Oui. Et donc pour ça, on a mis en place trois axes sur la plateforme. Un qu'on a appelé hébergement solidaire, où il y a deux options. Soit on peut faire des échanges de maisons, soit on peut mettre une annonce en disant qu'on est prêt à recevoir quelqu'un chez soi et on peut nous-mêmes aller chez quelqu'un d'autre. Après, ce n'est pas en binôme. Ça veut dire tu viens chez moi, je vais chez toi. Non, ça peut être je vais chez toi et après je vais chez quelqu'un d'autre. Mmh. Voilà, ça peut être un Argentin qui veut aller à San Francisco. Celui de San Francisco, il aimerait aller au Québec. Celui du Québec au Pays Basque. Voilà. Et le Basque à Shanghai. Voilà. Donc le but, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes qui ont un lien avec le Pays Basque, une identité basque, se rencontrent. Mmh. Mais ça peut être voilà, quelqu'un qui voudrait venir au Pays Basque, mais il n'a plus de famille, il ne connaît pas, il sait pas, voilà, il est jeune, voilà, il a envie de voyager en rencontrant des gens ou le contraire. Donc en fait, c'est très simple, sur tout le site, c'est tout le temps des annonces, donc c'est à chaque fois consulter une annonce ou ajouter une annonce, on fait clic sur l'un ou l'autre, on ajoute l'annonce, après moi les annonces, je les vois passer, je les valide. Ou pas, si, si c'est pas... Ouais, c'est le problème de tout site internet aujourd'hui. D'ailleurs, la diaspora aujourd'hui, le mot diaspora aujourd'hui est un des mots quasiment les plus piratés aujourd'hui. Donc, il y a les hackers aujourd'hui, ils s'amusent là-dessus parce qu'en fait, la diaspora, ça implique des gens qui sont expatriés, qui sont en demande et donc ils jouent là-dessus, ils traficotent, donc ils piratent ces comptes-là et ils vont appeler des gens qui sont en demande en disant voilà je peux te recevoir et puis mais par contre il faut que tu ailles à la banque déposer tel... Enfin, voilà. il y a déjà des escroqueries qui circulent là-dessus. Et donc voilà, ça c'est plus entre les personnes, mais ça peut être soit pour recevoir quelqu'un chez toi, il dort, ou toi tu veux aller chez quelqu'un, ou ça peut être juste quelqu'un qui vient, il veut connaître la ville, mais la connaître avec quelqu'un qui peut lui expliquer vraiment, quelqu'un du coin, en fait, c'est pour rencontrer des gens, quoi. Ça peut être pour boire un café ou autre. Après, on a une deuxième partie qu'on a appelée entreprises en réseau, où là, c'est plus pour les entreprises, clusters, universités, où il y a d'abord un système d'annonce où les entreprises ou les associations peuvent mettre des offres de stage et d'emploi. Mmh. Ensuite, il y a une partie qui est plus pour les entreprises, pour tout ce qui est projet à l'international. Par exemple, une entreprise ou une boîte qui cherche des partenaires ailleurs, elle peut mettre en disant « je fais ça, je cherche des partenaires dans tel pays ». Et nous, à chaque fois, on fait passer dans tous nos réseaux, donc ça marche ou ça ne marche pas. Ensuite, c'est pour les étudiants. Alors, plus s'ils ont des projets d'études, par exemple en master, ou souvent, il faut qu'ils mettent en place un projet, une soirée ou un truc humanitaire. Donc là, ils nous écrivent et pareil, on voit si on peut les mettre en relation avec quelqu'un ou pas. Des jeunes qui recherchent des stages. Par exemple, récemment, on a aidé une jeune qui était étudiante à Toulouse dans un master Amérique latine qui cherchait un stage en Argentine, dans un truc assez précis. Elle nous a envoyé le message. On a fait passer, on a mis l'annonce et elle a trouvé des contacts et elle a trouvé un stage. Et ensuite, il y a une autre partie, mais c'est plus entre établissements scolaires ou universités. Pour la même chose. La troisième partie, donc, c'est pour les projets de coopération, de culture. La coopération culturelle. Désolée. Donc là, c'est plus entre ça les, aussi, hein, les la associations. La coopération culturelle, ça marche. Hein. Ouais. C'est plus entre les associations culturelles ou sociales. Pareil, si elles cherchent, si elles ont un projet à mettre en place. Et on a un système d'agenda, ça peut être bien. Par exemple, vous avez une association, vous organisez un événement qui a à voir ou pas avec la diaspora, parce que finalement, on diffuse tout ce qui a à voir avec la culture basque. Et voilà, vous remplissez, nous, ça nous arrive. Et nous, on traduit à chaque fois tout ce qui est publié, on essaye de le traduire en quatre langues. Voilà, on a aussi un blog. Donc, par exemple, si vous voulez nous parler de quelque chose, on peut faire un article et le diffuser sur le blog. Et en bas du site aussi, ça, je ne l'ai pas dit en basque tout à l'heure, mais on a des vidéos qui ont été faites par Audrey Hoc. C'est des vidéos sur ce qu'on a appelé Diaspora Beria, nouvelle diaspora, en fait, qui parle plus de jeunes, en fait, nés au Pays Basque, qui sont partis pour une expérience professionnelle ou autre dans un pays. Et en fait, elle les a filmés dans leur vie, au travail, vie quotidienne. Et elle a fait des petits portraits donc, à Montréal, à New York, à Buenos Aires, à Montevideo. Et le dernier qui va sortir, ça va être en Thaïlande. Voilà, ¿en español ahora? Sí, sí. D'abord, non, Robert. Okay. Robert, let's go. I'll briefly do it in English here. We've got Maiden Samponi from the website eskodiaspora.com, which is a web platform to exchange ideas. There's three different aspects of it. The first one is more of a personal exchange, whereas or social economic, where people can post information on the website. For example, house exchanges, where folks can, from the Basque Country or from other places within the world, to exchange houses, or not necessarily doing an exchange, or just to house people. For example, someone in the Basque Country wants to have people from Argentina, the United States, someplace in the diaspora, they can come stay at their place, or vice versa. Someone in the diaspora is interested in having other people either from the Basque Country or from other places in the diaspora that can stay with them. One of the ways the site works is your idea is you could send it to the website and it gets posted as information, and then folks from around the world could read it and see if they're interested in it. And when you send your idea to the website, it is translated into four different languages, so you could have people from all over that would be able to follow you. The second part of it is for business clusters or for educational institutions to be able to set up this type of communication with each other, whether it's students or schools themselves or businesses. The third part is cultural associations that can do the same thing to communicate with other cultural associations around the world, place their different events. There's a blog. And there's also, at the bottom of the page, there's Diaspora Berri, where there's certain people that are from the Basque Country that are now living abroad in different parts of the diaspora. And there's videos of them, of these young people, how they're living their lives today. That's good. Sounds good. Yes, very good. Erderaz, beraz, Eusko Diaspora, la página web, euskodiaspora.com. Yes. ¿Puedes presentarla, por favor? Sí, lo voy a hacer un poco más corto, espero. Entonces, euskodiaspora.com es una plataforma que promueve la relación entre el País Vasco, todo el territorio vasco, y su diáspora, que está en todo el mundo. La idea es promover relación e intercambios entre las estructuras socioeconómicas del territorio vasco y también las personas entre los vascos que están en el País Vasco. Disculpa. Y la diáspora. Es difícil hacer en la misma noche en tres idiomas, creo. Ya, entonces queremos crear enlaces, proyectos de colaboración y todo tipo de intercambio que puede haber, de intercambio de información, puede ser entre empresas, universidades, estudiantes, instituciones culturales o entre las personas mismas. Por eso en la plataforma web, en la página, que es eusko-diaspora.com, hay tres ejes que hemos desarrollado. Uno que hemos llamado alojamiento solidario, otro que es una red empresarial y el otro que es todo lo que es intercambio cultural. En el alojamiento solidario se puede hacer intercambio de casas o puedes poner un anuncio diciendo que estás dispuesto a recibir a alguien en tu casa, o si tú quieres viajar puedes poner un anuncio diciendo que vas a ir a tal país y te gustaría quedarte en la casa de alguien o conocer a personas del lugar, y así puede haber intercambios para visitar la ciudad, tomarse un café o quedarse a dormir en la casa. El otro, que es red empresarial, es más para las empresas primero y las asociaciones, donde pueden dejar anuncios de ofertas de empleo y de prácticas profesionales. Esto es para permitir a jóvenes que estudian acá o en Francia o en cualquier lugar tal vez ir para hacer prácticas en otro país. Y también a los de la diáspora para venir acá a trabajar o hacer prácticas. El otro es más para proyectos internacionales. Cuando uno, digamos, uno de Argentina tiene un proyecto que quiere desarrollarlo acá con una empresa de acá, entonces puede poner el anuncio y encontrar una empresa o un socio acá para hacer este trabajo. Y lo mismo para una empresa de acá que quisiera desarrollarse en otro país. Esto es la idea. Y el otro es más para estudiantes que tienen proyectos de estudios. Ahí pueden describir su proyecto y encontrar también a alguien con quien trabajar en cualquier parte del mundo. La idea es que haya intercambios entre todos los vascos del mundo y gente que está interesada en hacer algo. Y el otro es intercambio cultural, que es más entre asociaciones culturales o sociales, donde se puede igual poner un anuncio para describir su proyecto y buscar socios con quien desarrollarlo. Y también una parte que más agenda, donde todos pueden mandar sus eventos y nosotros lo publicamos y así los difundimos en nuestra red. También lo que me olvidé decir en las otras idiomas es que tenemos un Facebook, ahora tenemos Twitter y estamos en todas Tumblr, partes, todo. Instagram, lo que quieres. Bueno, es un proyecto muy moderno. Y tenemos el blog donde hacemos artículos, hay los videos de Odre, que tal vez ya los así han visto, porque hay unos de Buenos Aires, Uruguay, Montreal, Quebec. Y pronto Tailandia. Sí, y lo mejor es conectarse, ir a la plataforma y verlo todo bien, porque ya yo no puedo hablar más, creo. Bueno, Bagordan, segitzen dugu fite-fite euskaraz. Oh. Barakit izan zirela jazporan jadanik, bi aldiz. Zer ikusi duzu, nola bizitu duzu, zuk pertsonalki. Beraz, jazporan izaitea, eta nola bizitu duzu esperientzia hori? Egoitea diasporako euskaldunekin edo euskotarekin eta ikustea nola eiek bizitzen duten nonbait haien euskaltasun hori. Bai, argifite eginen dut, euskaraz, beraz. Ordean nik xantza ukanut ebe bi aldiz joaitea, orten. Ordean maiatzean joan naiz Kaliforniara, San Francisco, Bakersfield eta ere Nevadarat. Joan naiz argitxu kamiu etxeko parekin, bai. Eta berak diaspora oso ongi ezagutzen du, orduan hainbat egez. Eta gero, hor, azaroan, joan naiz Argentinarat, misionezerat, zenta badugu proiektu berezi bat han, eta ere Buenos Airesera, eta La Platara, zenta han bazen Euskal Astea. Benik bi ekspedientziak oso goxoak, eta ere... Nik personalki hainiz bidaiatu dut nire bizian eta bizi izan naiz beste herri batzuetan, baina negia ezan Perun bizi izan naiz luzaz eta hor guti euskaldunekin. Gero joan nintzen Karakazera eta han hango euskaletxea ezagutu nuen. Eta hor, estatu batuetan in biziki goxoa zen, zenta ni esteren zubikoa naiz, eta han sortzez esteren zubikoa naiz, eta han ebe ikusi dut Johnny Kirchet, bera ere esteren zubikoa, eta beste batzu, eta goxo zen haiekin ebe euskaraz hitz egitea, kantatzea, eta voilà, gero desberdina zen haien artean, bat ziren beste batzu gazteak ere, gehienak frantsesa bazakiten zen, eta dintziren usu bakantzetan haien kusien etxera, eta voilà, ziren niki fezakit ziren amerikanoak, baina nere euskaldunak, bada dituzte bi parte horiek, eta horren interesgarria zaren. Amerikanoak euskal atxikimendu batekin. Bai, baituzte bi kulturak hor nahazten direnak, eta voilà, bo nik maleruski inglesa ez dut ongi menperatzen, horren ingingarria zen, zenta gehienek badakite euskara edo frantsesa edo zerbait, edo espainola, horren... Me voilà, biziki maitatu dut, eta gero joan naiz Argentinarat, eta hor, berdin, Argentinarrak dira euskal atxikimendu horrekin, baina oso ezberdina, bi kulturak oso ezberdinak dira, estatu batuak eta Amerika Latinaren artean, me ordean, begauzak ere desberdinak ziren euskal festan, dantzariak, Nik txenditzen dut estatu batuetan gehiago oso atxikitzen zutela, ez zuten aldaketa initz egiten zen tradizionala, eta Argentinan egiten zituzten gauza batzu, oso desberdina zen batzuk egin dute dantza bat, nik ezak gehiago zointzen, hanfet bat zituzten... prehistoriako jantziak, eta oso desberdina zen, dena Fen, voilà, ingingarria zen, gero, bon, voilà, antolaketan ere oso desberdina zen, ez bat ere behar antolaketa. Eta, bon, nik, voilà, gero euskara gutiago entzun dut Argentinan, zenta gehienak, be, voilà, zen haien aitatxi, amatxi, edo gana, euskara, voilà. Iru laugarren bena, beraz, oran zirute gehiago. Baina, badira batzuk aur berriro, hasten direnak euskara ikasten. Bai, baziren hainitz ikasten zutena, euskal zaleak hor Buenos Airesen, denek bazakiten euskara bizikiuntza. Eta... Jonan hilabetean ukanduko gurekin hor telefonoz Rocio Basterra Vietmatik, Patagonia, nor, eta sortzen dute gainera euskaletxea aldudan hilabetean, nor, ofizialki. Eta, bera da, euskalazko erakaslea, beraz, eta Rociok, haste azken guzietan egiten ditu, 600 kilometro, 200 joiteko, 200 sartzeko, bakarrik euskarazko kurtso bat emaiteko. Jakin behar da, Argentina izigarri handia dela. Ordean, ala, badute lotura bat distantziarekin, ez dira bat ere gurea, beraz, bada ere bai aldeketa bat kultura mailan. Ala, da, ogia erosteko, egin behar bali medida ogoita bar kilometro egin dituzte, ez da, ala, guk, runda, ez dutu geri janen, ala, benen, hor, eiek egin dituzte, eta jendako urbil delako. Ez deren zubin bizi bazira, beden 10 kilometro egiten dituzu ogia erosteko. Bon, berroita mar. Ala, proposatzen da duzote egitea pausatxo bat, hor musika batekit, Einaut Elorrieta geografia entzunen dugu. Zuzor lekutik urri iltzen dira derrigo ilkutsa bat zuze askatik urrun dira eortziko ni ez noiz igorretan iko aretzan eroriko naiz gerrako geziak lez selban obiratuko naute benguzu eta lagunen gutunez ez da giri Zeak gure rautxak ditu eramango beste izkuntzetan mintzo dire Espainetaraino ni ez naiz igorretan iko Zan eroriko naiz Gerrako geziak lez Selban obiratuko naute Lenguzu eta lagunen Gutunez ez dali Eta Gabe, zutik iraunen Ala bera zein hautel hori eta geografia eta gainera Euskal Herriti pixka torrundu gogira. Gurekin dugu telefonoan oraintxe bertan San Franciscotik deitzen diguna. Bonsoir Philippe, comment vas-tu? Très bien, bonsoir à tout le monde. Alors Philippe, je t'explique qui est avec nous autour de la table quand même. Nous avons ton frère Robert et nous avons Mathias, l'allemand. Voilà, bonsoir. Nous avons Mayelen Zamponi, que je crois que tu as connu. Oui. Voilà, il y a Alaya... ah, Isena. Arangoitz. Voilà, nous avons également Valérie, l'allemand. Et good evening. Good evening, voilà. Et Amaya Castoren, pardon. Voilà, qui sont eux du projet Arbachouen Ildotik. Ouais, très bien, on va les voir bientôt l'année prochaine. Tu es sûr? J'espère. Bon. Nous aussi, nous aussi. Qu'est-ce qui se passe à San Francisco? Dis-moi, raconte-moi tout. Parce qu'on a, nous avons discuté cet après-midi, tu as commencé à tout me raconter. J'ai dit stop, stop, stop, stop, toi, tu les gardes pour ce soir. Oui, bon, d'abord, on a notre très grand anniversaire, le 33e anniversaire du Centre Pasque, oui. Le week-end du février 14. Oui. Et on va avoir des joueurs de pelote de Skadi et des joueurs de Yoko Garbi. De Ustaritz. Qui vient de Ustaritz. Oui. Et on a un groupe à Mishparak, à Taldeya, c'est Eric Chuturu et Alain Petotegui qui vont animer oui. La balle. Et ça, c'est bon, en quelques semaines. D'accord. Et dis-moi, il n'y avait pas quelque chose aussi hier soir? Bon, hier, il y avait une réunion de NABO à ouais. Salt Lake City, dans l'état de Utah. Oui. Et on était plusieurs. Je crois qu'il y avait 20 Eshkwaletia qui étaient représentés aux oui. réunions. Oui. On avait plusieurs présentations. On avait le gouvernement basque qui était là aussi pour présenter. Ouais. Et aussi, il y avait une nouvelle prêtre basque qui vient de Guipuscoa. D'accord. Qui est installé à Boise. Il était là aussi pour faire connaissance aux Eshkwaletia. Ouais. Et de quoi vous avez parlé là, Nabo? Bon, à quoi ça consiste une réunion de Nabo? C'est le business général de Nabo. Ah, okay. Le programme d'Eshkwara. Il y a, je crois, 10 ou 11 Eshkwaletia qui ont des cours. Ouais. Et ils essayent de faire plus grand. Et bon, c'est du business de Nabo. Mais il faut que je te dise, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme très intéressant qui est venu à San Francisco pour visiter, pour ouais. étudier l'anglais. C'est un jeune homme... Ibon Altuna, oui. un chanteur du groupe Itziaren Shemeak. Qu'on a entendu juste avant. On l'a passé juste avant la chanson. Ah, très bien. Et j'ai même dit que c'est toi qui me l'as envoyé, la chanson. Voilà, très intéressant jeune homme. Et ouais. il m'a raconté un peu qu'ils ont joué à Baigori pour le Nafarroaren Eguna, je crois, il y a quelques années. Ils ont fait des liens avec... le groupe Shutik, et puis il y a même Michel Zamora de Espelette qui joue avec eux maintenant. Alors ça c'était intéressant. Je lui ai fait visiter le centre basque et on avait un repas et bien sûr je lui ai demandé de chanter une chanson. Il a fait ça très bien pour nous. Ouais. Voilà, et puis je voulais aussi raconter un peu... On a un autre membre, un basque américain, il était là aussi au même repas avec Ibon Altuna. Il s'appelle Christophe Bengochea. Oui. Il a de la famille de Ayekhalahe, alors pas trop loin. Il est un chanteur, un grand chanteur assez connu ici de l'opéra. Alors on lui a fait chanter aussi, c'était très bien, très sympa. Et là, donc, moi, je sais que tu suis énormément tout ce qui se passe ici au Pays Basque. Et tu m'as dit qu'effectivement que tu connaissais, toi, le projet Arbachoen Ildotik. Ça te fait quoi, toi, de voir que des jeunes de Baïgorry, parce que tu avais déjà écouté l'année dernière aussi l'émission qu'on avait fait avec Ramon Marti Corena et avec également Sancho. Ça te fait quoi, toi, de voir une école qui amène un projet de 3 ans comme ça avec ses élèves, les élèves en 6e l'année dernière, donc cette année ils sont en 5e, et qui disent, voilà, mais quand ils seront en 3e, on amène toute la classe en Californie. Oui, je trouve ça extraordinaire, et parce que l'immigration du Pays Basque au monde et aux États-Unis, en Amérique du Sud, c'est quelque chose de très, très important, parce qu'il y avait tellement de jeunes basques qui ont quitté leur pays, qui ont vidé même un peu. Alors oui, c'est très important pour comprendre ça, pour comprendre notre propre histoire. Exactement. Et bon, bien sûr, pour nous aussi, aux États-Unis, c'est l'histoire, c'est le même histoire pour tout le monde. Oui. Nos grands-parents, nos parents qui ont... C'est l'histoire du Pays Basque qui, quelque part, deviendrait un peu l'histoire de l'Argentine ou l'histoire des États-Unis aussi. Voilà, oui. Oui. Hein? Quand on voit des grands personnages comme des John Garamendi ou des Laxalt ou tout ce que tu veux, qui ont également, ou même, comment il s'appelle, Pete Senarusa, qui ont eu des grands rôles également dans la vie politique aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a aussi l'impact quelque part. Voilà. Et puis il y a toujours les autres aussi qui ont né ici, qui ont retourné au pays pour reprendre un peu. Oui, je connais un comme ça. Oui, ton frère, hein, Robert. Vas-y, Robert, tu peux lui répondre à ton frère. Là. C'est très intéressant, Philippe. Merci beaucoup. Je te préviens, Philippe, je te dis, ton frère est rouge comme une tomate. Je ne dirais pas comme un piment, mais rouge comme une tomate. Voilà. Ben, Philippe, c'est quoi donc les prochaines activités que tu as avec le BCC et le BIO? Bon, avec le BIO, on a des films qu'on va projeter en mars, avril et mai. Ouais. Il y a un film Yostunak. Ouais. Alors ça continue un peu à raconter le mouvement de Gure Eshku Dago. D'accord. Et ça va raconter comment c'était organisé pour faire le grand chaîne humaine de Durango à Pampelune. Ouais. Et puis un autre film très intéressant, c'est Una Espastica sobre el Bidasoa. C'est un documentaire qui raconte l'histoire de l'occupation de Iparralde dans les années de Deuxième Guerre mondiale. Et puis on va finir en mai avec un documentaire de la vie de Nestor Basterrechea. Bien sûr. Voilà. Super. Et donne-nous un peu de nouvelles, Johnny Curuchet, comment il va? Il va très très bien. Et j'ai appris hier que avec les trois autres Bertulari, le Institut culturel basque, ils vont organiser un voyage avec les quatre Bertulari des États-Unis, Johnny Curuchet et Gracien Alfaro, Martin Gokoecha et Jesus Goni. Ils vont venir en automne et ils vont chanter avec les Bertulari du Pays Basque. Bah, Ahmed Charsalous, Julio Soto, enfin, ils sont copains maintenant tous. Ils se connaissent tous. C'est encore en marche. Pas tous les détails sont finis. D'accord. Eh bien, on aura le plaisir de les voir. Et en plus, je pense que s'ils viennent en octobre, effectivement, qu'ils iront aussi peut-être, ils vont se faire embarquer un peu à Gasteiz, puisqu'au mois d'octobre également, il y a le congrès quadriannuel des Eskualetxeens. Le gouvernement basque invite tous les 4 ans toutes les Eskualetxeens du monde à un congrès. Cette année, il a lieu à Gasteiz. Donc, c'est là aussi que... Si vous voulez voir un peu de plus près une Eskualetxe, if you want to see, si quieres ver un poco más... Qu'est-ce qu'une escoletxea ou voilà, zer da euskaletxe bat urbilagona ebal buzo ikusi, beh, izan berzile ezte Gasteizen eldu den urrian, eta hor ikusten elko dituzu, beraz, mundu osoko eskoletxeak, eusko jolalitza gomitaturik, eta hala, be, bizituaiekin, mintzaten alko zisteaiekin ere bai, hala, be, galderak baldin baditu zue, be, Matias galdetzen alko duzu, be, hala, be, zer da, be, ez dakit, eta Txinako euskoaletxea, edo Australiakoa, Sidnekoa, edo Txilen den de, Valperaizeko euskoaletxea, zer da, fen, hala. Beraz, holako jendeak hori izango dira, eta euskara mundu osoan, mundu osoko euskara, rena itek orkestuko nuke, hori izango da. Hala. Horren gurektu duzu? T'as compris? Pas tout. Pas tout? C'est enfin, pas... rien. C'est pas grave. Je parle trop vite, on m'a dit. Donc... C'est pas grave. C'est pas grave. Eh bien, justement, Philippe Achirito Garay, merci beaucoup de nous avoir appelé. Ah, oui, et puis un message là à Laïa. Ah oui? Si tu peux dire un bonjour. J'ai appris qu'il y a ma cousine qui travaille là, à l'école d'honnêteté, Nadusha Achirito Garay. C'est attends, ça? Répète, elle n'a pas bien entendu, Philippe. Alors, tu lui dis un bonjour de San Francisco. Ok, pas de souci. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Ok, oui. À très bientôt. À très bientôt, Philippe. Isan Uncha. Adio. Adio. Adio. Hala, beraz, segitzen dugu, beraz, ulertu duzue, San Francisco ginean Philippe Achirito Garayekin, eta aipatu dugu, Arbasoen Ildotik proiektua, ordoan, jadanik joan den urtean etorri zidezten aurkesteko proiektu hori, baina, hala, proiektu hori hain zinatu da, beraz, berriro aurkestuko dut, piskabat, beraz, Arbasoen Ildotik, 2016-eko urrian aurtengo Donostia ikasteko bostak Amerikar Estatu Batuetara araituko dira, bizi obeago baten ametsarekin, bai eta ere Euskal Herrian gelditu familian laguntzeko xedearekin Amerika mende baldeara joan ziren gure Arbasoen Ildotik. Hiru urtez, beraz, euskal kulturaren barnatzeko eta beren Arbasoen historia obeki ezagutzeko gixan, hainbat gai landuko dituzte, ikasgai ezberdinak, ikasleek neurtuko dute gure balean, zenbateko zain izan den emigrazio uhain ezberdinen eragina. Euskal hartzainak eguneroko bizian jasan dituzten baldintza zailen berri ukanen dute. Beren bizi moldea konparatuko dute Kaliforniako eta Nevadako mahastizain eta laborariekin. Kultura desberdinetan murgildurik beren eskolatzean landu izkuntzak baliatuko dituzte euskara, frantsesa, ingelesa, espainola. Hala beraz, proiektu hori erraiten algin nuke proiektu horren gauzatzeko eskaintza batzu planan ezagir dituzte eta partzaide batzu sekatzen dituzte ere bai. Beraz, horretarazten dut bakarrik proiektu hori joan den hilabetean erran nuen zela gure gomita osoko maitatu nuen proiektua. Hala, izigarri importantea, zenta badera ebait transmitzazio bat, eta hori guzia ikusiko ditugu beraz gaur bertan Amaia Kastoren, Alaia Arrangoitz, Matias Laleman, eta Valeri Lalemanekin arrasteion guzioi. Gabon. Hala, Gabon. Bonjour. Bonjour. Oh. Hello, hi, como estas? Hala, beraz. Bien. Egin en dugu, donc, comme je disais, Arbasoen Ildotik, c'est un projet qui est déjà venu l'an passé être présenté. Donc, c'est une démarche qui a démarré donc, en 2013 et qui s'achève en 2016. Milesker, Mathias. Qui s'achève en 2016. Ça avait commencé avec des élèves de 6e qui, cette année, donc, sont en 5e et qui sont parmi nous ce soir pour nous dire donc, qu'est-ce que c'est que ce projet, pour nous rappeler ce que c'est que ce projet et surtout nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait depuis. Parce que je sais qu'ils ont rencontré quand même pas mal de gens. Ils ont aussi des messages à nous envoyer. Ils ont aussi des besoins. Tiens, je vais poser ma première question à Mathias. Oh, ne ferme pas les yeux comme ça, je ne vais pas te manger. Mathias, j'aimerais savoir, toi, ça te fait quoi de travailler comme ça avec la Californie, le Nevada, ça te fait quoi, toi? À quoi tu penses? Tu penses aux western, aux cowboys, aux indiens ou tu te dis qu'il y a autre chose encore? Ouais, je pense un peu à ça et enfin, je trouve génial partir là-bas parce que je suis jamais partie et c'est immense, les États-Unis, surtout la Californie, ça doit être génial, je sais pas. Ouais, ouais. Tu habites à Baïgorry, toi, hein? Non, j'habite à Bustins. À Bustins, bon, c'est à côté. Ouais. Allez, on va dire c'est à côté. T'es à l'école à Baïgorry? Oui. Voilà. Bon, on rattrape comme on peut, hein. Oui. Non, le technicien, il se moque. C'est pour ça. Voilà. Et dans ce projet, moi, comme je le disais le mois dernier dans l'émission, où on a fait un peu le récapitulatif de tous les invités que nous avions l'année dernière, c'était pour moi la démarche la plus belle, la plus constructive, la plus intéressante que j'avais trouvée, parce qu'il y avait ce travail de transmission, de volonté de transmettre et d'inciter des élèves donc de 6e à faire tout un travail de recherche sur la diaspora. Et à commencer par la proximité, hein, c'est ça. Vous avez commencé à chercher un peu autour de vous ici, en Pays Basque. C'est quoi la diaspora, Alaya? Bye, hein. Soni Gudwan. Explicatzen aldi guzu, zer egin duzue hor sortzi behatzi hilabetetan hor? Azken aldian ikusi gudu laldik, zen maiatzen, uste dut. Eta zer egin duzue, nor ikusi duzue? Ebe, deia, aurten badugu oren bat, gure proiektua barnatzeko. Mm-hmm. Beraz, haste guziz badugu oren bat. Mm. Beraz, galdezketatu ditugu Ameriketan egon diren eskualdunak. Mm-hmm. Beraz, denek galdezketa bat egin dugu. Mm-hmm. Beraz, batzuek galdezketatu dituzte joan diren eskualdunak eta berriz gindirenak. Mm-hmm. Eta batzuek orain hor hain direnak. Ara, beraz, biziki interesgarria da. Mm-hmm. Eta beraz, hori deskubritzen ditugu, ara. Eta beren bizi moldea, zendako joan ziren, anitz galdera posatzen ditugu. Mm-hmm. Eta, nolakoa, eme dezu bat? Nolakoa? Bizia zaila da han, edo nola da han dena undia da, edo... Deia, galdera undi bat da zendako joan zirezte han, beraz, da, orukorki da... beren biziaren zat, fen, lan bat atxemaiteko, ara. Beraz, ara, hori da galdera handi bat. Eta gero, zer lana egiten duten han, zer batzuek bere familia han egin dute, zer egiten dute egunero ere beren bizia. Beren bizian eta gara. Han direnak hor, badakizue nahi baldin dute itzuli Euskal Herrirat edo han nahi dute egon bizi? Ebe, batzuek fen, han nahi dute egon bizi. Zakit, gero... Bizitza hola han egin dutelako ara, eta... Ara, baina gero hori pixka bat, ara. Eta orduan, bon, joanen aldian baino askoz gehiago mintzatzen duzu, hola segitzen dugu, bikain. gauza bat... Zuk zer egiten zaizu zuri, lan egitea diasporarekin, nola? Zer ikasten duzu zuk? Bere, ben, biziki interesgarria da, zenta gure aitatxi, amatxi edo aitatxi, amatxen aitamak, ara. Mm. Ebe, joan dira han, beraz, pixka bat berriz... Deskubritzen duzu zure familia nun bait? Baina, hori da. Eta... nola joan diren, ere, ben, biziki interesgarria da. Beren bizia... deskubitzen dugu. Mm-hmm. Eta... Denbora hartan, ezen egazkinik erabiteko. Ah, ara, hori da ere. Ezen erri franz, izi jet ere ez, erdian hori. Beraz, bai, bazuten bidaia izi gari luzea, itxasuntziz, gehien bat joiten ziren edo Bordaletik edo Le Havretik. Ordian, egia erran, bon, zen... zen erresa ere bai ustea, bak zua malura, eta joitea, hola, zen ta lengusu bat antzelako, hola, eta joi beste mundu bat, eta beste bizi bat deskubritzen. Eta, zuek berandusago nahi duzue bidaiatu? Toa, plus tard, t'aime repartir, vivre là-bas, tu veux rester à Baïgorry, Mathias? Les deux me feraient plaisir. Ouais. La partie droite, elle s'en va en Californie, et la partie gauche, elle reste avec maman à Baïgorry. Si ce serait possible, ouais. Ou on inverse, hein. Voilà. Il n'y a pas de souci. Bah, si ce serait possible, oui. Ouais. Tu as hâte, hein, ouais, de découvrir. Qu'est-ce que tu penses que tu vas voir là-bas? Je sais pas. Mystère. Ouais. Est-ce que c'est un peu pareil que dans Lucky Luke ou... Oh, pour aller voir les Dalton, t'as pas besoin d'aller là-bas. Hein. Je peux te dire qu'ici au Pays Basque, il y en a pas mal. Hein. Ah, très bien. On te dit. Enfin, je parle du caractère de John Dalton, moi. On a tout compris, Benoît. Il y a des Mad Dalton. Ouais, il y a des Mad Dalton. Oui. Il y a Amachi Dalton, enfin, il y a tout ça. Voilà. Donc, non, c'est vraiment assez intéressant. Et juste une question. Tout à l'heure, on a évoqué donc, avec Maïalène le projet jusqu'au diaspora.com. Ça vous fait quoi de dire, tiens, il y a un site internet où on peut aller mettre une info, une annonce, on peut cliquer dessus. Punaise, grâce à ce site, je peux aller rentrer en contact avec l'Argentine, l'Australie, l'Ouzbékistan, si je veux, parce que j'ai des bases en Ouzbékistan aussi. Donc, bon. Mais c'est possible aussi, c'est sur internet, donc c'est accessible à tout le monde. Ben, ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul à vouloir créer notre mini diaspora. Mmh. Et donc, ben, ça nous fait un peu plaisir, quoi. Mmh. Il a dit un mot très important, c'est on n'est pas tout seul à créer notre mini diaspora. Voilà. Et c'est en fait, moi je dis toujours que de toute façon, il n'y a pas une diaspora, il y a la diaspora de chacun. C'est chacun se crée sa propre diaspora et chacun a sa propre expérience de sa diaspora. Et donc celle que toi Mathias ou celle que toi Laïa, vous allez avec les travaux que vous faites, la diaspora, que votre diaspora que vous allez créer, ça ne sera pas du tout la même que moi j'ai développée ou que Mayelle a développée ou que Robert a développée. Donc ça sera votre propre richesse à vous. Voilà. Et ça, il faut que vous le compreniez bien. Il n'y a que vous et vos camarades de classe qui le vivrez et qui vous pourrez un jour dire voilà, mais je suis parti ça, j'ai vécu ça. Ouais, mais moi je connais Benoît Thieu. Ouais, mais Benoît Thieu, il ne connaît pas ma diaspora. Lui, il ne connaît pas, il ne sait pas. Enfin, bon, voilà. Mais c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Donc tu vas vraiment beaucoup apprendre et surtout, quand tu parles là-bas, tu ouvres les yeux bien grands. Voilà. Et tu ne regardes pas que les Basques, tu regardes aussi ce qu'il y a autour. Parce que ce qu'il y a autour, les Basques le voient aussi, donc ils vivent avec. D'accord, regarde pas que les Basques, regarde vraiment tout ce qu'il y a autour et que la culture basque, elle se mélange aussi là-bas. La culture basque, tu verras, va s'enrichir. Mmh. Voilà. Galde labator et la cache léali, amayali, amaya. Bye. Cacho. Ordean, et la cache lé guicha, est ça beti. Puisque d'abéricoun sabat, on la chartsea, et scolaco programma batean. Olako desmartxabat, beraz, lotura bat egitea, emigrazioari buruz, gaurko kontestuan, zenta gaur egun, bon, frantzian entzuten da askotan emigrazioa, fin, arabiarrak eta hori dutena, eta lotu nahasketak fiteginak dira. Emigrazio hori aipatzea zer egiten zaizu zuri eskola batean nola? Egia da, biziki interesgarria dela hori ikustea, zenta... Jasain duzu ikusten dugula beti migrazioa guk barnetik ikusita, kanpotik dinak diren jendeak, eta ikusten ditugula atzerritarrak bezala, eta hor ikusten dugu gu ere izan girela atzerritarrak garai batean, eta joan girela Euskal Herritik jasain berdin entzat, azkenean. Hemen miseria baitzen, emeretzi garen mendean batez ere, eta joan gira, aberastasuna zentokira, beraz lana atxemaitera. Eta... Ara, gu ere minoritate bat izan girela egialde horretan gara batean. Eta kasu inberda, zenta bat zu, Arabia fen Magrebian hor leheno zen bare frantxez kolonia, eta beraz, frantxez kolonia zelako Euskaldunek aradioetan ziren bai. Hor bada, dona palugun bizitzen dena Aita Sala, egonda agoita mabost urtez Casablancako eskoletxean, eta zen pilotaria eta dena, eta bon, bera apesa zen, beraz ezin zuen aurrik, enfin, ez dakigu, ez un aurrik, enfampi. Baina, ala ere, kasu inberda, zenta emigrazio hortan, errabaitu, semeak etzutzen baldin badira unat. Eta guk, ba, zu arrabia zira, ez bat ere, nien, enaita, bai gorriara da, edo bidarra ditarra da, ez behar da. Eta hori, erbai kasu inberda, gainera, gertatzen dena egoaldeko emigrazioan, gehienak dira egoamerikanoak, edo peruanoako edo lako gaza, eta gehien batzuk itzultzen dira. Da, nik erraiten deitzen dutena, da euskal imigrazioa euskal irrian. Bai. Beraz, joan direnak itzultzen direna, bera Robertekin, Robertekin erakotxik gaitu bidea, eta denak segitzen dute. J'expliquais juste le fenomen de l'immigration des Basques en Pays Basque, c'est-à-dire ceux qui sont partis et dont les enfants reviennent. Voilà, et que donc nous, on... Dans bien des cas, on regarde comme des étrangers, comme des immigrés, mais non, ce sont des Basques. Mais oui. What about that? Oui, je suis d'accord, mais quand même, il y a une partie de immigration aussi, parce que bon, oui, mais... de façon que j'étais élevé là-bas, tout ça, c'est pas du tout la même chose que je vis ici. Mm. Mais en même temps, j'ai pas venu dans un pays complètement étranger. C'est mieux où, là-bas ou ici? Ça dépend pour qui. Pour moi, c'est mieux ici. Voilà, pour ton frère, apparemment, c'est mieux là-bas. Enfin, c'est bon. Voilà. Et tes parents sont toujours là-bas. Tout à fait. Voilà. Une question, par contre, à Valérie, l'Allemand, la maman de Mathias. Attention. Je commençais à m'endormir. Alors, Arba Schwenil Dotik, vous n'avez pas de site internet encore. Vous avez un réseau social, vous êtes sur Facebook, mm-hmm. vous communiquez pas mal. C'est toi qui gères, Valérie, les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu vois un peu les réactions des gens sur la page Facebook que vous entretenez? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui vous posent des questions mais pourquoi vous faites ce projet, tout simplement? Ou on vous dit, oh, putain, c'est génial. Enfin, quelles sont les réactions, hein? Alors, ça démarre tchoukou-tchoukou, hein, parce qu'on est quand même en milieu rural et Facebook, ça fait un peu peur. Mmh. Mais assez rapidement, en fait, San Francisco et la Californie ont vite répondu à l'appel, en fait. Mmh. Donc, on a eu des jolis témoignages de choses qu'on a mis en ligne, comme des vieilles archives de l'INA sur justement des témoignages de Basques partis dans les années 50 qui ont beaucoup ému certaines personnes. Et puis on s'est rendu compte en fait que sur Garassi et Baïgori, beaucoup de familles étaient liées de près ou de loin à cette histoire en fait. Ben c'est... la Basse Navarre a été complètement vidée entre 1840 et 1947, 1904. Hein, il se dit que sur cette longue période, il y avait à peu près un bassin de 150 000 habitants sur 90 ans. Mais sur les 150 000, il y en a 100 000 qui sont partis. Donc la Basse Navarre a été, comme dirait un ami à moi, Matiné Ricard, ça a été la saignée. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a en 1920, il y a un père, il y a le père Land qui a écrit un livre qui s'appelait « Migration basque ». Et il disait toujours que pour être un vrai basque, il faut avoir un nom de famille basque, il faut parler la langue d'Aitor et il faut avoir un cousin en Amérique. Mmh. Déjà en 1920, on le disait, quoi. C'est ça que... Donc déjà, ils étaient parfaitement conscients de se saigner. C'est un mot qu'on peut le dire, hein. C'est une saignée qui s'est passée. Et donc, effectivement, on a tous été touchés, et notamment la Basse Navarre, avec tout le canton de Baïgori, Garassi, jusqu'à Saint-Palais, et en montant jusqu'à Urepel et Snassou. Tout à fait. En tant que maman, ça fait quoi de devoir laisser partir son petit garçon comme ça l'année prochaine? Bon, je ne suis pas représentative de tous les parents, mais c'est sûr que ça suppose de faire confiance à l'équipe pédagogique, bien évidemment, puisqu'on s'engage à faire partir nos enfants. Il faut se projeter, en fait, les imaginer dans 2 ans, et qu'au départ, en 6e, on n'a pas forcément tous cette anticipation. Mais assez rapidement, bon, déjà l'équipe pédagogique est là pour nous mettre en confiance, et puis assez rapidement on se rend compte de tout ce que ça va leur apporter, de cette ouverture d'esprit, c'est-à-dire à la fois donner à nos enfants des racines pour pousser, mais aussi des ailes pour s'envoler. Et c'est vraiment la dialectique de parents, quels que soient les parents, on est tous dans ce dilemme-là, et ce projet-là, je trouve qu'il arrive pile à l'adolescence, mais ça répond exactement à ça. C'est un... T'en penses quoi, toi, Robert? Pour dire, quand ils attirent à San Francisco, les gens qu'ils ont accueillis là-bas, c'est comme vos voisins. C'est-à-dire, c'est le même style d'esprit que les gens... vous pouvez le faire tranquillement. Ah non, mais on est... On est tranquille, on est tranquille. Robert, si c'est des gens comme toi, il n'y a pas de problème. Non, il faut faire juste attention à Jean-Paul Barthes, parce que sinon, il va leur remplir les poches avec des CD de Aino Amaitia. Voilà, donc... Voilà. Il y a des choses pires. Oui, c'est vrai. Non, mais plus sérieusement, les enfants ont rencontré des Basques dans le cadre d'interviews qu'ils ont menées tout seuls. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont dû aller à la recherche de Basques qui vivent maintenant à Baïgorry ou à Garassi. Donc, Mathias, lui, il a interviewé Adrien Jauregui, oui, qui vit maintenant à la CAR. Alaya, toi, tu as interviewé qui ? Daniel Arambel, mais qui est encore aux États-Unis. Voilà, donc toi, tu l'as interviewé au téléphone. Et ce genre de rencontre qui a eu lieu ou par téléphone ou physiquement, mais ça a créé un pont, vraiment, les enfants ont découvert une histoire très émouvante, de familles de 13 ou 14 enfants qui ont connu une difficulté économique à un moment et qui ont dû partir pour s'en sortir et puis pour aussi aider la famille, quoi, parce que la diaspora a aussi aidé les familles du Pays Basque à refaire la toiture, à refaire la bergerie, enfin, ouais, à se refaire, quoi, dans une époque où en fait le Pays Basque n'avait pas vraiment pris le pli de la révolution industrielle et donc n'arrivait pas économiquement à s'en sortir. Absolument. Donc les enfants et nous, parents, je crois que bon, on a aussi découvert, on est rentré dans l'histoire, ça y est, quoi. C'est ce que je disais à Alaya tout à l'heure, en fait, elle, à travers ses arrière-grands-parents, je crois qu'ils sont partis, donc tu redécouvres un peu ta propre famille. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont personnellement impliqués à la fois dans ce projet-là. Et après, ce qui est intéressant, c'est dans le sillon donc des ancêtres. Mais en fait, ce sera plus tard, je pense, dans leur propre sillon à eux qu'on va les suivre. C'est-à-dire que c'est le sillon, ils vont le poursuivre. Et puis c'est tout ce travail-là et cette richesse qu'ils vont accumuler pendant ces 3 ans et qu'ils vont maintenir toute leur vie s'il faut. Parce qu'au moins, ils vont ouvrir les œillères, ils vont comprendre beaucoup de choses en pouvant partir là-bas, qu'ils pourront effectivement réussir et comprendre que le Basque vit parce qu'il est au milieu d'autres personnes. Il n'est pas tout seul. Voilà. Donc c'est toujours l'échange qui fait que... Voilà. Je vous propose que nous fassions une pause. Pauchatio wateginen dugu, Pampi. C'est quand tu pauchatzen dugu, Pampi ? Ilu soinu eta hori ala askatasunen haizean eta hori dedikatzen dugu Stefan Laplace Marseillako euskoletxakoa. Oh. Ala beraz, hiru soinu taldea, portua Stefan Laplaz, Marseille. Segitzen dugu, aintzinatuko gira, pixka batzen, eta hor pixka berandu usago gira. Entzuten duzue, bera sortzi herrialdeak zuzen irratzi emankizuna. Euskal Diasporaren emankizuna barkatu, eskutsa sortzi herrialdeak zuzenean, emision para ikon la diaspora baska. You are listening to sortzi herrialdeak zuzenean, the Basque Diaspora Show, vous écoutez donc sortzi herrialdeak zuzenean, l'emission de la diaspora baska. Hor nola berandu gira, zingira izan edo berbada berandu xago Cesar Arrondolekin hor Argentinara hortelako entzinatzen gira pixka bat eta pasatzen gira jadanik Euskal Diasporaren berriak aipatzeko. Hor hasiko gira jadanik Bordaleko Euskal Etxearekin. Bordaleko Euskal Etxean beraz gaurtik otxelaren batetik ogoita sortzi arte beraz badute Baionatik Endaiako portuei buruzko argazki erakusketa bat. Badute ere bai bestalariak kontzertua, bestalaria da abesbatzak talde bat, hori ere bai gaur. Iruan, orduan, Bordalen jakinen duzu, itinituzela ibilaldi asko. Orduan, otxailaren iruan badute ibeilaldia Saint Laurent de Combesan. Otxailaren sortzian ibilaldia Virgela den. Gero, otxailaren sortzian ere bai beraz badute Mux eguna. Gero, amairuan Mutxiko ikastaldia. Amalauean Mutxiko ikastaldia. Amazazpian ibilaldia plazakan. Eta, badute goita lauean, goxoki sukaldaritza kurtsua. Hori zen Bordalen. Baina gaur bertan, beraz, otxelaren bian, eta hori garen dut dena espainolez. Misa en Euskal Etxea en recuerdo a Ema Ezeberri, Emji Apalategi, Koldo Lezaiola i Luke Altuna. Orduan, Saint-Germain-du-Puch, Francia, konzerto de la Coral Abestalariak de la Euskal Etxea de Burdeos en la Iglesia de Saint-Germain. Hori egiten nuena, beraz, abesbatza, Bordalekoa dira Parisen. Gero, ahotsailaren bian, Madrid, España, konferentzia sobre la Agencia Especial Europea de la Euskal Etxea organizada por la RSBAP. Otxelaren lauean, Madrid, beti, Espainian, beraz, el coro y los socios de la Euskal Etxea zeren a cantar a Santa Ageda por las calles de Madrid. Askotan ospatzen dute Santa Ageda, Euskal Diasporan ere, ez hemen bakarrik, orduan ikusiko duzue, Madrilen, ospatuko dute, ere bai, biharamunean, beraz, otxelaren bostean, boizen, estatu batuetan, tradicionales coros de Santa Águeda por las calles y establecimientos del Basque Block. Basque Block da boizeko euskal auzoa. Nun bada pampi, jo merzirarat, baduzu Gernika Taberna, baduzu Eskerpareta, baduzu Euskal Museoa, baduzu Euskal Etxea eta Euskal Etxearen barnean baduzu taberna bat, baduzu Musgela, baduzu Gela Nagusia, aintzinean baduzu The Basque Market, ala, eta... Metalik bada ere? Alda, hori han alda. Han badute talde bat daitzena Amuma Seznoz. Seznoz? Da, amatxik errandu ezetz, hori errandu edo, bueno, guztatuko zaitzu hori. Entzuren dut, zure aholkoa. Hala, segitzen dugu, beraz, otxailaren seian, Burnaby, Kanada, Noche de Cine y Pinchos Pote, con 8 apellidos baskos, de la mano de Zazpiak Bat Bask Club. Zazpiak Bat Bask Club, horiek dira Vancouverekoak. Vancouvereko euskal euskaldunak detzena Zazpiak Basque Club. Berrigunean beti otxailaren seian Madrid, España, berritxarrak llega a Madrid con la gira internacional del Denbora a Poligrafo Bakarra. Parisen, beraz Frantzian, el escritor Gerarda Markuleta y el músico Javier Muguruza participan en el Feria Expo Langa. Hori beraz en otxailaren seian Zazpian, Ipar Ameriketan, beraz hor Txinon, Kalifornian, beraz Mus Txapelketa, eta Euskal Etxearen egoitzan kokatuko da. Parisen, berrigunen otxailaren Zazpian, beraz Etxepare instituzioak parte hartzen du en una misa redonda sobre internet y las lenguas minorizados en la Feria Expo Langa. Expo Langa erakusketa baita. Beraz ere bai, otxailaren 9an Madrilen Espainian proiektzion del dokumental a través los tesoreos del País Vasco en la Euskal Etxea, beraz Madrileko Euskal Etxean hori. Zaragozan, beraz, Zaragoza da Euskal Etxetik berrien bat, maialen. Badakizu? Da, azken bat. Ba, erraiten baduzu. Ba, asierre grandanku. Zaragoza, España, konzerto del Grupo Basko Berritxarrak, presentando el álbum Denbora de Poligrafo Bakarra. Barcelona, Katulanian, hor berriro ere bai Berritxarrak, beraz, amabian izango dira Zaragozan, amairuan. Barcelonan, egonen dira, amalauean, otxelen amalauean, San Francisco programa festivo del fin de semana para celebrar el aniversario de Basque Cultural Center, beraz, Filipe kaipatu gaitu nalenago, ospatzen dutela beraz, ogoita mairugarren urte betetzea San Francisco Basque Cultural Center egoitzan. Txino, berriro, hor izango da, ogoita bian, beraz, badute hilabeterozko kideen baskaria, eta ogoita, otxailaren ogoita sortzian, Ontario, beraz, hori da Kaliforniaren iparrean hor, irugoita sortzigaren festival anual del Ontario Bass Club con concierto del grupo Amuma Says No. Hori xa, amatxik errandu ezetz. Segitzeko, beha horrentxe bat, gurekin ziren waidela bi hilabete, iru hilabete barkatu da Gorka eta Eider Zabaleta, proposatzen dan zuten zute, amaika arrazoi. Amaika arrazoian alkartutzeko, gaztea xearrekin hitz egiteko, batzeko alkartzeko lenguak botzeko, gure bihotza kulturaz murgiltzeko, hainbat historio gorantz begira, txipitxapa alkartzen ari gira, igoala etxolari begira, odolak berotzen hasiko dira, bihotz estandari kolkotik tira, hitzako atuz mintzatuko algira, lapur bizkaitar giputxi altzira, ez dun gerreixa iri gulertzia, alboka zahardo nio horri, bertxu errepik atzerik, dakarren historio horren, zergeitia jakiterik, gauluze mohotzi zar berri, gailurrotzean bihardi, aurrez aurre buruz buru, dantzariei begi geldi. Begira, txipitxapa alkartzen ari gira, igoala etxolari begira, zure miraure pelen, Salvadoren omenal dira. Hala beraz, Gorka eta Eider Zabaleta, horretarazti berzizte, egin zuten emankizun oso bat, kantatu zuten, zituzten kantu abesti guziak zuzenean, Euskal Diaspora erentzat. Segitzen dugu berriro itzultzen gira egunat eta Arbasoen Ildotik proiektuarekin, bada beste pundu bat, eta bon, ala, emaitea positatea joit, eramaitea klase oso bat Kalifornian, Baia, xoxa berda horrentzat? Bai, berda xoxa, hortako lau urteren gainan itzen dugu ere. Hortarako, zer egiten duzue hor? Lanzatzen duzue kanpaina bat hori da, laguntza bat ukaiteko? Ebe, ara, hor behitasuna, asteuntan lanzatu duguna, da, be, galde egiten dugula interneten jendeari dirustatzea proiektua, ara, beraz parte hartzea laguntzeko proiektu hori. Mai. Eta hori astezkenetik martxan da interneten. Ados. Eta nahi dut parte hartu, nahi dut lagundu, zer egin behar dut? Ebe beraz behar da konektatu Ulule webgunean. proiektua? Eta hor, beraz gure proiektuaren izena sartu behar da. Beraz gure proiektua da du sud-ouest au far-west, arbaxoen ildotik izenekoa. Eta hori joetan, normalki, gero dena esplikatua da nola parte hartzen alden, nola laguntzen alden proiektua. Eta bakotxak emaiten du nahi duena, 5 euro da minimoa, eta gero nahi duen dirua emaiten du. Gure helburua da 1.100 euro biltzea, beraz horrek egingo luke bidai txartel bat guti gora bera. Eta, bon, helburua urgunago da gure ezagutaraztea. Bai, noski. Valérie, elle nous a donné effectivement qu'il fallait qu'on rentre sur ulule.fr ou .com et .fr. Le plus simple, c'est de taper Ulule sur son petit moteur de recherche. Voilà. Je voulais juste savoir, est-ce que du coup, toi qui gères la page Facebook, est-ce qu'il y a le lien de la page Ulule sur Facebook? Alors, bien sûr, il y a le lien. Et puis surtout, il y a Sortie Provincia qui va aussi mettre son lien sur sa... Alors, c'est une promesse. C'est une promesse qui va se réaliser bientôt. Il y a pas les chiffres, Benoît ? Non, j'ai déjà mis la vidéo. Il y a le clip de lancement qui est déjà sur Sortie Provincia, avec la campagne, avec Archmachine Ilotique, la Gondou, enfin, il y a déjà tout ça qui a été fait. Vous avez publié la vidéo quand ? Là, il y a 2 jours. Today. C'est marrant ça. Et aussi sur YouTube. Mais c'est ça, et c'est amusant parce que en fait, je tape des mots-clés, je fonctionne avec des mots-clés, et donc automatiquement, je t'ai dit comment je fonctionnais. Et là, boum, Arbachon Ildotique, YouTube, je vais voir, vidéo, je prends. Je copie, je mets sur Sortie Provinciaque et c'est parti. Ouais. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, Valérie avait envoyé sur ma page Facebook en disant, tiens, regarde, c'était quoi ? C'est un avant-goût ? Un avant-goût ? Ah ben, c'est marrant. Je lui dis, ça y est, déjà sur Sortie Provinciaque. Trop fort. Voilà. Respect. Voilà. À partir de demain, ça sera sur euskodiaspora.com. Mille esker, bah y aller. Sur notre Facebook. C'est bien. Voilà. Et après, on va faire aussi un article. C'est super. Donc, je comprends bien, ça va être sur Sortie Provinciaque, sur euskodiaspora.com. Après, je pense qu'il faudrait qu'on contacte également, c'est Yosheba Echari. Vous le connaissez, Yosheba Echari ? C'est le rédacteur en chef, en fait, de euskalkultura.com, qui écrit aussi des articles pour le journal IRIA. On y parle dans toutes les pages sur la diaspora. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est très intéressant par rapport à vous pour pouvoir juste communiquer sur ce que vous faites. Voilà. Et ensuite, on vous réinvitera ici aussi parce qu'on a aussi une petite affinité avec votre projet, comme je l'ai dit, et pour avoir un suivi et, voilà, et pour promouvoir tout ce qu'il y a à promouvoir. Et puis, Mathias, avant de partir, il aura perdu des dents ou j'en sais rien. Enfin, il aura grandi, il va muer. Voilà. Ça, c'est interdit de divulguer. Des informations aussi personnelles. L'année prochaine, il fait, t'as vu Benoît, j'ai la petite moustache qui pousse. Non, Benoît, stop. Ashki. Voilà. Par contre, on n'oublie pas la presse écrite aussi. On est tout présent sur les réseaux sociaux, mais on n'oublie pas la presse écrite. Donc, Chancho a été voir Eria. Voilà. Oui. Il a fait une interview, je ne sais pas si c'est sorti, mais c'est sur le point de sortir. Et on va aussi faire un petit article dans Sud-Ouest. D'accord. Voilà. Juste un truc. Justement sur ça, Sancho était présent l'année dernière parce que c'était l'enseignant des élèves. Est-ce qu'il est toujours enseignant cette année ? Il y a un peu de temps. Orduan guide bai eginen dugu. Yeah, bai, bampi! Hala, beraz, antolatuko dugu ere bai ekitaldi bat. Guk ere bai kampaina bat eginen dugu laguntza lortzeko diasporatik. Eta nahi ditugu, beraz, kantari batzuk gurekin, pentsatzen dut Begiz-Begi, Batiz Dalman, Gorka eta Ider Zabaleta. Gure partaideak ere bai gomitatu, beraz, Euskal Irratiak hor izan behar dira gurekin. Alain eta beste lagunak, eta zarketik ez eusko diaspora.com, erbaixoen hildotik. Hala eta... Bistandena. Ah, mile esker, maialen. Janenik hor zinezten sortzi probintziak elkarteko amargarren urte betetzen, janen ekainean. Bai. Hala, beraz hor, ez gira horretan geldituko, segituko dugu. Bai, beti hor gira besta egin behar banin. Eta aldi honetan berriz ere bai haintzenatzen naiz, baina badakigu, matin errek hartek bere sagarno ekareko gaitu. Robert... Do you want me to do a little bit of this in English? Is that what you want to... Or? No. We are just going to get the weather. Oh, wonderful. Okay, the weather. Beraz, eguraldia. Eguraldia to. Araya. Lena, zer da? Pretoria. Etxen. Ah, mesker. Pretoria, odei batzuk goizean, hortziak ratxaldean, temperaturak 19 grado goizean, ogoita amabi ratxaldean. Hala. Buenos Airesen, beraz, hor, aro edera, oda itxiki batzuk, bainan orokorki egingo du, eta bero. Temperaturak goizian 19, arratsaldean, 30. Eta Australia, tekan berra, maialeneneko. Oda itxiki batzuk izanen dira, temperaturak 10 eta 22 artean. Eta, Matias, azkena, hemen, hop, Miami, Floridan. Miami, Florida... Ode aiak goizean eta oro edera arratsaldean. 19... Eta ogoita sortzi gainera... Nerea da hori. Agurtzen dut nere lengusua handena. Ez da zinera egitea zapatu kuzea, zemun kuzea. Hala, lengusua, beraz Bruno Makasaga. Badu bere jatetxea Miamin. Super, super, jator. Hala, super, bravo. Genial. Hala, beraz, nere lengusua ban baita Miamin, beraz Bruno Makasaga. Saga, un petit coucou à toute la famille qui est là-bas. Elduden emankizuna iraganen da martxoaren batean, nahi baldin baduzue etorri emankizunean ikusteko nola pasatzen da gure emankizuna, be posible da igorri email bat bakarrik irratia abildua zenbake sortzi probintziak.com elbidera maialen zampomin Zamponi, maialen Zamponi eta Doneste eskolako ikasleak eskerrak zueri. Robert, mil esker. Dejutaz. Ez horregatik, Joana, gurekin izango da martxoan, Joanaz jaran marx. Voilà. Nahiko nuke berriz goraintziak eman Karolini gure Angeko ospitaleko entzuleari. Bon, pena agarria da, zenta iduriz internet ezin zela entzun gaur. Mana, oa dela bosa hilabete entzuten ditu Angeko ospitaleatik emankizun guziak. Hala, beraz mila musu. Ez mila esker entzule hiri eta ez ahantz beti bezala kasu bidean. Eta hor bukatzen dugu Basa Andere taldearekin lili bat. Basa Andere, paueko uskoratxe. Loretan dago aspaldi untan. Is Sortzi herrialdeak zuzenean Euskal Irratietan. Euskal Diasporaren emankizuna. Ilabetero, lehen igande guziz, arratseko zortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Erreplika astelenean arratsaldeko zazpiontan. Sortzi herrialdeak zuzenean. Euskal Irratia eta Sortzi Probintziak elkarteak antolaturik.